classe du 2E A, c'est une classe spéciale pour quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait de l'escalade, il faut le faire dans un endroit spécial pour l'escalade. Complètement. Voilà. Un handicap. Est-ce qu'on t'accepte bien dans l'école? Est-ce que tu passes du CE2 au CM1? Quelles sont tes activités? Est-ce que tu vas dans un hôpital pour te soigner ta maladie? Est-ce que plus tard, tu pourras te marier et avoir des enfants? Est-ce que c'est vraiment une maladie, l'autisme? L'année dernière, il y avait sur les portes une main avec écrit Stop Abdoulaye. Même sur la porte du sport, il y avait marqué Stop Abdoulaye. Ouais. Et non, mais parfois, on le voyait courir dans les couloirs. Il courait, il courait dans le gym. Il arrivait, il voulait rentrer dans le gymnase. Quelqu'un qui lui disait non, stop, stop. Et nous, l'année dernière, il rentrait dans notre classe et notre maître disait mais Abdoulaye, qu'est-ce que tu fais là? Il s'installait, il prenait un livre, il regardait les images. Ils sont à côté de nous, vraiment. Il n'a pas l'air de nous. Parfois, on voyait courir dans le couloir aussi. Oui. Comme ça, il y a quelqu'un, il y a un enseignant qui le croit derrière. Justement, j'aimerais être différente parce que j'aime pas ressembler tout le temps aux autres. Je voudrais pas être une fille normale, avoir quelque chose que tout le reste n'a pas. Par exemple, je sais pas, moi, avoir des cheveux magnifiques que personne pourrait avoir, ou des yeux pas de la même couleur. Violet. Oui, violet. Il y a des lentilles contacts qui sont avec oui, des... Non, oh, mais... c'est des lentilles. Par exemple, je sais pas, moi, savoir voler ou un truc du genre. Ça, c'était mon rêve en CP. J'attendais. Moi, j'ai déjà essayé de faire des choses. En CP, tu penses que c'était très inconscient, par exemple? Enfin, je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais été amoureux, mais... Tu vois, il y a des personnes qui osaient très bien le dire à quelqu'un qu'ils étaient amoureux. Et maintenant, je pense que personne n'ose le dire. Des fois, il y a des gens qui se moquent de moi, mais je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai pas envie trop de le savoir pour pas changer, parce que je m'aime comme je suis. Et en plus, quand je serai grande, j'aimerais bien garder mon âme d'enfance, faire des trucs rigolos. Moi, on me rejette à cause de ma taille. Alors que peut-être que je suis petit, mais l'important, c'est pas que je suis petit. Je suis intelligent, pas plus que... Je pense qu'il y a des gens dans la classe qui sont plus intelligents que moi, mais l'important, c'est que j'ai des bonnes notes, je cours vite. Parce que moi, parfois, je parle aux plantes, ce qui est un peu bizarre, mais je le fais. J'ai déjà parlé à la mer, ce qui est un peu bizarre. Et moi, je parle à rien de spécial, en fait. Mais arrête, s'il te plaît, arrête. De toute façon, avec l'histoire, plus t'en fais, plus t'es différente de tes amis. Aujourd'hui, je sais qu'il va y avoir une dispute. Et ça, c'est... extrêmement bien parce que être tout le temps d'accord, personne te contredit. T'es tout le temps, oui, d'accord, on fait ça, oui. On oui, jouait à attraper oui, garçon. Tu problème sais pas avec... dire non à la fin. En plus... Pourquoi il y a plus de garçons autistes que de filles autistes? Ah ouais, ça on demanderait aux scientifiques. Est-ce que l'autiste, ça peut se soigner? Comment ils font pour communiquer avec les autres? Moi j'aimerais lui poser la question ultime que je me pose depuis ma naissance, depuis que je sais ce que ça existe, le mot autiste, et que je sais ce que ça veut dire. Est-ce que certains autistes savent qu'ils sont autistes? Quand est apparu l'autisme? Est-ce que toute sa vie on doit être accompagné par un enseignant exprès? Comment on attrape l'autisme? Peut-être que, imaginons que notre grand-père est autiste, peut-être que ça peut nous descendre juste quand on est né, qu'on soit aussi autiste. Pourquoi, en fait, vous faites des recherches là-dessus, alors qu'en fait, les autistes, c'est des humains normaux? Alors, il n'y a pas vraiment besoin de faire des recherches dessus, parce que c'est pas une maladie. Ah, mais est-ce que quand t'es né, tu peux ne pas être autiste et après être autiste? Est-ce que vous avez de la famille autiste? Plus ou moins, ça, tous les métiers quand ils sont plus grands. Si elle trouve que nous, on est du coup. C'est pareil, maladie, pour moi, c'est juste un symptôme. Personne, c'est juste elle est différente des autres. Ça ne peut pas se soigner, mais elle est autant pareille, enfin, elle est égale qu'un autre humain. Il n'y a pas besoin de la mettre à... Elle est un super-héros, elle n'est pas du tout comme les autres personnes. Yannick, il s'est très bien parlé. Ça se trouve, plus tard, il aura du mal. Et Abdoulaye, par exemple, là, il ne sait pas parler. Il fait gna gna gna. Et là, plus tard, il sera parlé comme un professionnel. En fait, nous, on les a acceptés directement dès qu'ils sont arrivés parce qu'on nous a expliqué que c'était normal qu'ils soient différents, qu'il ne fallait pas leur crier dans les oreilles. Par exemple, imaginez un petit garçon qui est très brusque, qui court partout, qui est plein d'énergie. On dirait qu'il a bu 5 tasses de café avant. Et on pourrait dire que c'est un autiste, puisqu'il est différent à peu près des autres, puisque tout le monde est au moins un peu plus calme. Mais pourtant, on l'appelle pas autiste, on l'appelle juste Samuel, arrête-toi! C'est bon, calme-toi! Je vais pas dire Samuel, puisque c'est un nom de la classe, mais je sais pas moi. Rémi. Pour moi, c'est une différence, mais c'est pas vraiment une différence, parce qu'on est tous différents les uns des autres. Ils ont juste une différence qui se voit plus des autres. Mais sinon, ils peuvent être très gentils. Je pense que ça nous apporte aussi des choses pour nous, pas que pour eux, parce que aussi ça nous apprend à savoir un peu plus ce que c'est l'autisme et tout ça. Bah en fait, d'avoir une classe d'autistes, ça rend cette école beaucoup mieux et beaucoup plus sympa, parce que avant tout le monde était entre guillemets normal, alors que normal. Quand t'as des autistes dans l'école, mais t'as envie de les aider, quoi. Pour eux. Mais donc, c'est avoir une classe d'autistes dans notre école. Moi, je trouve ça vraiment super. J'aimerais bien visiter la classe des autistes. J'avais des questions dans ma tête. J'ai un truc, en fait, c'était un peu comme si dans une toute petite partie de mon cerveau, il y avait un dossier où il y avait écrit autisme. Quand je l'ouvrais, je tombais dedans. En fait, il y avait du bric-à-brac partout. Il y avait des questions dans l'air, partout. Et maintenant, il y en a déjà avec toutes les questions qui sont bien classées avec les réponses en dessous. J'avais une question. Quand tu étais seule, tu ressentais quoi d'être toute seule? J'ai dessiné deux arbres avec deux cabanes. Dans une cabane, il n'y a rien, il n'y a personne. Et dans l'autre, il y a le garçon cabane qui regarde par la fenêtre. Il est triste parce qu'il n'a pas d'autres amis pour jouer avec lui dans l'autre cabane. Alors, comme ça, on dirait que c'est un garçon normal. Voilà, c'est un garçon normal, d'ailleurs. Je sais que mon garçon cabane est mis à part. Je ne sais pas pourquoi, mais il est mis à part. Sa cabane... Dans quoi il est, mais que je n'ai pas fini de dessiner, c'est là où il se protège et c'est là où il peut se libérer de tout ce qu'il a sur le cœur et qui lui fait mal. Moyenne section, je suis arrivée dans cette école et je me sentais différente des autres, mais pas, je ne savais même pas ce que c'était l'autisme. J'avais pas d'amis, je préférais rester seule. Et j'ai rencontré un petit garçon qui s'appelait... Alex. Non. Non. Milan. Non. Robin. Tu sais plus. Non. Le garçon mystérieux. Jean-Bert. Il n'était pas autiste, mais quand je lui disais que je ne me sentais pas bien, il comprenait. Lui, c'était pareil, il n'aimait pas avoir des amis. Donc, c'était mon premier ami. Moi, j'ai un peu la même situation. Ça fait du bien, en fait, de parler de ça. Je me suis sentie différente. Parce qu'en fait, j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Et comme ils sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands que moi, alors ils n'ont pas 12 ans, 15 ans. Hein. Parfois, ils ont le même humour et moi, je ne comprends pas. Et parfois, quand je fais des blagues, ils sont là en train de me regarder. Bref, non, mais ils rigolent pas, du coup ça me vexe un peu. Et du coup, moi j'ai l'impression d'être pas pareil qu'eux, alors que c'est mon grand frère, c'est ma grande soeur, j'ai envie d'être comme eux, quoi. Bon, c'est pas moi qui ai décidé, hein, mais je regrette un peu d'être née plus tard. Chaque humain au monde, il aspire tous les mots que les gens disent qui sont méchants. Et il a son sac qui est comme une boule dans le ventre. et que des fois, ça ressort et là, toute la poussière part et on voit qu'il est bien nettoyé et... Au revoir, Edouard. Merci. Au revoir, Edouard. Merci, Edouard.